Vous écoutez France Culture. Bonjour, les lundis de l'histoire par Jacques Le Goff. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre, je crois, véritablement exceptionnel, je dirais même extraordinaire. Peut-être appartient-il à une pensée historique qui n'est pas très fréquente dans l'historiographie française, mais de toute façon, ce livre m'apparaît comme une sorte de révolution dans l'historiographie, et de plus, ce livre qui est gros, ce livre qui a de nombreux auteurs qui ont écrit chacun un article en général assez petit, est un livre qui se laisse lire avec le plus grand plaisir, non seulement parce qu'il vous fait découvrir, il parle de découverte et c'est un livre à découvrir lui-même. Bien sûr, sur un tel livre, il n'était pas possible de convoquer autour des micros des lundis de l'histoire tous les auteurs. Mais l'essentiel, c'est que nous avons deux historiens qui ont joué un rôle prépondérant dans la réalisation de cet ouvrage. Cet ouvrage, c'est L'histoire du monde au XVe siècle, paru aux éditions Fayard. Comprenez, je crois que l'expression « histoire du monde » vous laisse entrevoir de vastes paysages. Et autour des micros des lundis de l'histoire sont réunis le maître d'œuvre de l'ouvrage, Patrick Boucheron, qui nous a déjà fait l'honneur et l'amitié de venir d'ailleurs au lundi de l'histoire, et qui est maître de conférence à l'Université de Paris 1. Et puis, un des trois historiens qui se sont le plus occupés de la structure de ce livre, qui est Julien Loiseau, maître de conférence à l'Université de Montpellier 3. Patrick Boucheron, j'ai envie que vous lisiez comme début de la présentation de ce livre extraordinaire quelques lignes de votre introduction. Je vais le faire bien volontiers, mais auparavant, je voudrais vous remercier très sincèrement au nom de tous les auteurs, des coordinateurs, Julien Loiseau ici présent, mais aussi Pierre Monnet et Yann Potin, de votre invitation. Le XVe siècle est le temps de l'invention du monde. De Tamerlan à Magellan, depuis l'Asie centrale jusqu'à la capture de l'Amérique en 1492, s'accomplit une première mondialisation. Mais la geste de Christophe Colomb est tout sauf un événement fortuit. Elle est précédée et surtout rendue possible et pensable par une dynamique globale et séculaire d'interconnexion des espaces, des temps et des savoirs du monde. Elle ne se laisse en rien circonscrire par ce que l'on appellera plus tard l'occidentalisation du monde. Les marchands de l'océan Indien, les marins chinois de l'amiral Zheng He, mais aussi les ambitions turques ont toute leur part dans cette histoire des devenirs possibles du monde où rien n'est encore écrit. Ni dictionnaire critique, ni somme érudite, l'histoire du monde au XVe siècle se veut un essai collectif davantage qu'une encyclopédie, car il s'agit bien de susciter des étonnements par rapprochement et d'éveiller des curiosités par le déplacement du regard. Julien Loiseau, quel a été votre rôle et qu'est-ce qui vous a amené à vous investir dans cette branche ? Alors, j'ai eu le plaisir d'effectivement d'assurer avec Yann Potin et Pierre Monnet ce travail de coordination de l'ouvrage, de coordonner au total pratiquement une centaine de textes autonomes. Qu'il s'agissait de faire à la fois communiquer les uns avec les autres, qu'il s'agissait de relier, qu'il s'agissait pratiquement de coudre, en s'arrangeant pour qu'il puisse dialoguer dans l'ensemble du livre. Pour ma part, travaillant sur l'histoire du monde islamique médiéval, l'aventure m'intéressait d'autant plus que l'histoire que je m'attache à explorer et à comprendre est elle-même tissée de relations avec des univers très distincts. Certains qui nous sont plus familiers, la Méditerranée, l'Occident, mais également la Chine, ou l'histoire de l'Afrique, ou encore celle de l'océan Indien. En quelque sorte, ça m'a permis de mesurer à quel point le monde islamique était encore au XVe siècle dans une position centrale. Je suis, je vous le dis, d'autant plus heureux de la parution de ce livre absolument passionnant que, nous le savons, il y a une certaine tendance en France, à l'heure actuelle, à, je dirais presque, se regarder le nombril, et que, justement, désoccidentaliser le regard historique me paraît une œuvre extrêmement importante et extrêmement utile. Patrick Boucheron, je pense que c'est vous qui êtes responsable de l'expression qui donne son titre à votre longue introduction, « Les boucles du monde ». Qu'entendez-vous par là ? Nous entendions d'abord, nous-mêmes, ensemble et collectivement, tous les auteurs qui ont participé à ce livre, boucler le monde tel qu'il s'entend et tel qu'il se comprend au XVe siècle, à un moment où il serait excessif de dire que la mondialisation telle que nous la connaissons aujourd'hui est achevée. Elle n'est même peut-être pas d'une certaine manière amorcée, encore une fois, dans notre acception du terme. Mais plusieurs mondialisations se connectent. Et ce sont ces boucles du monde, c'est-à-dire cette manière, d'abord par l'esprit, mentalement, à la fin du XVe siècle, de comprendre que la Terre est une et l'espèce humaine elle-même unique. Tout cela, cette prise de conscience de l'unité de l'écoumène, par non pas une invention globale de la planète, mais par des boucles au pluriel qui interconnectent des espaces, des savoirs, des temps et aussi des devenirs possibles. Je voudrais tout de suite dire à vos lecteurs, que je souhaite très nombreux, qu'ils ne se perdront pas dans ce livre. Quel que soit le vaste espace qu'il recouvre, c'est un livre où il y a beaucoup d'amarres. C'est un livre où l'on se retrouve, non seulement dans sa construction, mais aussi dans les instruments de consultation et de réflexion qui sont à la fin, bien sûr, une chronologie. Mais une chronologie, nous en reparlerons, peut-être originale, particulière, et surtout un index géopolitique dont je ne saurais trop louer les auteurs et les réalisateurs de ce livre de le fournir à vos lecteurs. Alors, commençons par nous décentraliser, commençons même par un peu de provocation, car il y en a un peu dans votre livre, de la bonne provocation, celle qui oblige à se détourner des préjugés et à découvrir. En gros, vous dites au début de l'ouvrage que, au milieu du XVe siècle, l'événement le plus important n'est pas celui que l'on considère dans beaucoup de manuels d'histoire en Occident, la prise de Constantinople par les Turcs, mais par un événement probablement inconnu de beaucoup d'entre vous, il l'était de moi, mais qui montre comment, d'abord, l'histoire est inscrite dans la géographie. Je crois que les liens histoire et géographie sont quelque chose d'essentiel. Et d'autre part, parce qu'il fait justement bouger les choses. Il les a fait bouger d'une certaine façon à l'époque et il les fera bouger maintenant à vos lecteurs. Et alors, cet événement, c'est la destruction d'une île de l'océan Pacifique que l'on a pu dater de 1452, l'île de Kubaï, si j'ai bien lu. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un événement, dites-vous, et pourtant c'est un événement qui est peut-être la date planétaire, celle en tout cas qui a affecté la planète entière au XVe siècle, où la planète n'existe pas. C'est ça qui est intéressant. Une éruption volcanique, la plus importante, disent les vulcanologues, depuis 10 000 ans, qui détruit une île entière au milieu de l'archipel de Vanuatu, ce qu'on appelait autrefois les Nouvelles Hébrides. Et cette Atlantide des Antipodes jette dans l'atmosphère un nuage de poussière qui va se voir partout, à Constantinople, justement, un an après, pendant le siège, mais aussi à Moscou, mais aussi au Caire, mais aussi en Écosse, partout où nous avons des sources, et qui produit ce que, là encore, nous connaissons très bien, un changement climatique. Nous le connaissons très bien parce que c'est par le climat que nous prenons conscience, au fond, de ce qu'est le monde aujourd'hui, comme communauté de destin et de danger, parce que ces nuages obscurcissent l'atmosphère et font obstacle au rayonnement solaire. Et nous le savons aujourd'hui parce que la science est mondiale. La science est mondiale, celle des glaciologues, celle des historiens, et nous recoupons ces événements. Mais ces événements, ils ont eu lieu en 1452 dans un des creux du monde. Alors ceci m'amène à vous poser d'autres questions. Quel était, au XVe siècle, le monde connu? Et est-ce que on peut déjà parler, au XVe siècle, d'une expression que l'on a déjà employée pour le XVIe siècle? C'est-à-dire une mondialisation. Le XVe siècle est-il une mondialisation ou prépare-t-il une mondialisation ? Alors nous pensons en effet qu'il s'agit d'une amorce de connexion des différentes mondialisations. Certaines, tout de même, avaient été considérables, que l'on pense à la paix mongole, qui vous est chère, celle du XIIIe siècle, et qui est d'une certaine manière réactivée, on va en reparler, cette aventure turco-mongole par Tamerlan, qui est un des grands hommes du livre. Et puis il y en a d'autres, avant même, effectivement, la capture de l'Amérique de 1492. Si on entend par terre connue la terre habitée, c'est-à-dire proprement l'écoumène, on peut dire que pratiquement, sauf justement l'océan Pacifique, qui est entièrement habité, mais pas explorée par personne, la Terre est habitée, mais elle n'est que partiellement connue, évidemment. Est-ce qu'on a une idée de la population ? La population totale, ça c'est quelque chose, ouais, évidemment, qui ne peut être qu'une projection rétrospective. Disons, autour de 1500, 450 millions d'habitants sur la Terre. C'est évidemment très difficile parce qu'on peut avoir des certitudes pour l'Europe, pour la Chine, et encore, on a vaguement l'idée que les deux masses démographiques s'équilibrent. Ce qui est certain, c'est que l'Europe est une Europe qui ne s'est pas encore totalement remise de la peste noire et qui a donc une part dans la population mondiale qui a baissé de 17 à 14%, c'est-à-dire le niveau actuel. Mais évidemment, les grands débats ont lieu pour la démographie de l'Afrique d'avant la traite et de l'Amérique d'avant la conquête, car dire que ces mondes étaient pleins, c'est dire aussi l'ampleur du massacre. Et donc, c'est un enjeu mémoriel, bien entendu. C'est-à-dire donc que cette vision globale du monde, c'est à la fois la présentation et l'explication de ce qui s'est réellement passé, et d'autre part, ce qui définit votre regard, votre entreprise. Je signale en passant que vous n'en avez pas parlé, c'est plutôt au XVIe siècle que cette tragédie se passe, mais vous avez cru bon de montrer comment certains processus de mondialisation peuvent être de grandes tragédies. Quand vous avez évoqué l'unification microbienne du monde qui se passera en Amérique, où les Européens apporteront ces microbes qui feront dans les populations américaines des pertes effroyables. Vous dites donc, ce qu'il faut, c'est décentrer le regard. Et vous dites aussi que, à la fin, en tout cas, de la période, certains y pensaient déjà. Et vous citez un document peu connu et qui, je crois, grâce à vous, va devenir un des grands documents de l'histoire. C'est une carte qui se trouve dans le palais de Topkapi à Istanbul, qui a été faite en 1512 et qui a été découverte en 1929. Qu'est-ce que c'est cette carte, Julien Loiseau ? Alors, c'est le fragment d'une carte du monde dessinée pour le sultan ottoman Selim Ier. Carte dessinée avec l'apport d'informations venues par l'intermédiaire de la Méditerranée et des navires de la Méditerranée, d'informations venues des découvertes américaines. Le document nous a semblé être la meilleure illustration de ce décentrement du regard que nous cherchions, puisque nous avons là à la fois l'information la plus fraîche disponible sur ce que les marins de la péninsule ibérique étaient en train de découvrir de l'autre côté de l'Atlantique, mais une information mise au service d'une puissance continentale de l'ancien monde, du vieux monde, avide de compléter ses connaissances sur la géographie du monde. Alors, un fragment, juste un fragment, dans la mesure où il ne reste plus, et c'est le paradoxe, que l'Atlantique et le liseré côtier de l'Afrique et de l'Amérique. C'est aussi l'occasion, je pense, de rendre hommage à des entreprises qui, même si c'était dans un espace et un temps plus limité, relevaient de ce désir de relier des espaces habituellement étudiés à part. Et je suis heureux de voir la mention que vous faites du grand ouvrage de Denis Lombard sur le carrefour javanais, paru en 1990 et qui a connu, après la mort de cet historien prématurément disparu, une nouvelle édition. Terminer cette mise en place, si je peux dire, de votre entreprise et de ce livre, est-ce que vous pourriez rapidement, pour nos auditeurs, situer votre entreprise par rapport à une tendance qui existe déjà depuis un certain temps chez les historiens anglo-saxons, et particulièrement les Américains, c'est-à-dire à traiter de la « world history », de l'histoire du monde, et d'autre part, à la tentative qu'avaient eu les fondateurs de la revue française célèbre des Annales, de Lucien Febvre et de Marc Bloch, avec l'idée d'histoire globale. Comment vous situez-vous par rapport à ces deux tendances ? Du point de vue de l'histoire globale, Julien en parlera peut-être, parce que effectivement, ça rejoint la question, au fond, aujourd'hui, de l'actualité, et elle est politique, vous y avez fait allusion tout à l'heure, de l'actualité, et je dirais même de la nécessité intellectuelle d'une histoire comparée des espaces et des temps. Car au fond, cette histoire globale des Annales, qui était une histoire si prometteuse, une histoire effectivement de grand vent et des espaces élargis, évidemment, on peut dire que la fin de l'œuvre de Fernand Braudel, l'écriture de l'identité de la France, dont on parle tant aujourd'hui, lui a comme jeté un coup de froid. Et dès lors, l'historiographie française a été peut-être rétive à cette world history, et comme elle ne mordait pas en France, eh bien, on en a dit beaucoup de mal, on a dit ce sont des grands récits approximatifs. Alors, nous en sommes dans la mesure où nous tentons effectivement une histoire déconnectée, une histoire qui est désaxée du simple regard occidental, mais nous le faisons dans un espace, espace de temps, dans un siècle relativement court, pas les grands temps de l'espace, enfin de la world history. Et surtout, nous proposons à partir de l'architecture du livre aussi, non seulement une histoire du monde, mais tout un monde d'histoire, c'est-à-dire aussi les histoires faibles, les histoires discrètes, les histoires à bas bruit, celles de la péninsule indochinoise, celles de la Scandinavie, qui, lorsqu'on fait le grand récit tectonique des civilisations, n'ont jamais leur place. Julien Loiseau, est-ce que votre ouvrage ne permet pas aussi de faire progresser une tendance qui, depuis un certain temps, intéresse beaucoup d'historiens et qui ne progresse que difficilement et que, je pense, vous permettez de beaucoup aider à travers cet ouvrage qu'est l'histoire comparée. Alors, il est vrai que c'est l'une des ambitions du livre que de proposer d'une part des tentatives d'histoire comparée autour de, d'objets historiques qui nous semblaient avoir une, sinon une valeur universelle, du moins une existence mondiale permettant de les comparer d'un ensemble de cultures à l'autre, que ce soit le monde des cours, que ce soit la question de l'évolution des langues dans le monde ou encore celle des villes. Et puis, d'autre part, et c'était ça peut-être aussi l'ambition première du livre, c'est de fournir à ses lecteurs la matière d'une comparaison à faire, en proposant en particulier un découpage territorial du monde en ensemble homologue qui permet justement de les comparer à une date ou en tout cas à une période donnée. Eh bien, avant d'en venir plus en détail à la structure du livre et à la structure du monde qu'il s'efforce de réaliser et de montrer, je voudrais rappeler que, selon les termes employés dans l'ouvrage, l'histoire qui y est montrée et expliquée, c'est une histoire qui va, pour prendre deux grandes figures, presque symboliques, de Tamerlan à Magellan. Et c'est l'occasion, peut-être, pour nos auditeurs, d'écouter le premier texte que vous avez choisi pour eux, Patrick Boucheron, et qui parle de Tamerlan. Le lundi suivant, qui fut le 13e jour d'octobre, le seigneur Timur Lang donna une fête et fit appeler les ambassadeurs. Lorsque les ambassadeurs furent près du grand pavillon où le seigneur s'apprêtait à manger avec ses gens, ils constatèrent que deux nouvelles enceintes, avec leurs tentes, avaient été montées pareillement à celles que je vous ai décrites, excepté qu'elles-mêmes et les tissus dont elles étaient faites étaient très somptueux et de valeur supérieure à toutes celles qui avaient été dressées jusqu'à présent. Et encore, que les précédentes fussent entourées, elles ne pouvaient leur être comparées. L'une de ces enceintes était faite d'un tapis cramoisi, brodé de très belles broderies de fils d'or et de très beaux et de très nombreux entrelacs, très beaux à voir. Et la paroi de cette enceinte était plus haute que celle montée jusqu'à présent, et l'entrée en était également plus élevée, en forme d'arc, avec une sorte de volant au-dessus de l'arc, et cet arc et ce volant étaient brodés joliment de fils d'or. Les portes étaient également de tapis et brodés de fils d'or semblables. L'entrée était surmontée d'une tour carrée, terminée par des créneaux faits du même tapis et d'un travail semblable à celui de l'entrée. Et cette enceinte était crénelée tout autour de créneaux semblables en tapis brodé. Maintenant, venons-en à la structure et au contenu, pour l'essentiel, de ce livre si riche. Je le redis, dépaysement, désoccidentalisation. Mais, sous quatre angles d'attaque, si j'ose dire. La première partie, c'est les territoires du monde, une sorte d'atlas politique du XVe siècle. L'intérêt, me semble-t-il, c'est non seulement de montrer quelles sont les différentes régions du point de vue politique, mais aussi les divers systèmes politiques qui régissent les institutions de ces diverses régions. Par exemple, quelque chose qui, pour nous, avait pris une importance énorme, parce que nous le savions, ça, ça nous concerne, trouve ici sa place, réduite, si j'ose dire, mais bien affirmée, dans un bel article de Jean-Philippe Genet sur la naissance de l'État moderne en France, en Angleterre, dans l'Europe occidentale. Mais il y a aussi des évolutions politiques de grande importance dans d'autres parties du monde. Et Julien Loiseau, vous pouvez parler le début du XVe siècle comme d'un siècle turc. Alors, en effet, si le XVe siècle est d'abord, au premier chef, un siècle turc, c'est peut-être parce que l'ébranlement initial du siècle est provoqué par un conquérant turco-mongol, Tamerlan, dont l'aventure a commencé en Asie centrale, à Samarcande, dans les années 1370, avant de s'achever après trois décennies de guerre par sa mort à la veille d'une expédition destinée à tenter de conquérir la Chine en 1405. Alors, siècle turc, dans la mesure également où, dans le monde islamique, la principale conjoncture politique que partagent les différentes terres d'islam, les anciennes terres centrales, Iran, Irak, ou les nouvelles périphéries qui accueillent les empires en devenir, l'Empire ottoman, l'Empire moghol ensuite, au début du XVIe siècle, eh bien, la principale conjoncture politique, c'est la domination d'aristocraties militaires de langue turque, d'hommes venus de la steppe, convertis peu de temps auparavant à l'islam et qui jouent précisément de leur différence, du monopole des armes et de la violence pour exercer le pouvoir dans les différentes régions du monde islamique. Vous l'avez aussi dit dans cet ouvrage, une des caractéristiques de ce XVe siècle, c'est que c'est le temps d'une seconde islamisation du monde. En définitive, quand au début du XVIe siècle, ce qui, je crois, a beaucoup surpris certains des contemporains de l'époque, et qui surprend encore dans certains manuels d'histoire, la façon dont le roi de France, François Ier, se tourne vers les Turcs, vers Soliman le Magnifique, au fond, il se situait au niveau de ce qu'était en train de devenir le monde se reconstituant et évoluant. Comme nous devons faire des choix, je vous propose maintenant d'évoquer l'Extrême-Orient, d'évoquer le Japon, la Corée, Okinawa, comme vous le dites, et la Chine, où c'est le temps de l'empire des premiers Ming. Qu'en dire ? Alors, il est vrai que le XVe siècle est aussi, à sa manière, un siècle chinois, si l'on fait commencer en 1368 avec l'avènement de cette nouvelle dynastie, les Ming, qui mettent un terme à la domination mongole en Chine. L'avènement des Ming en Chine, c'est le temps d'un grand réaménagement de la Chine, d'un grand basculement en deux temps de l'empire chinois. Basculement en ce sens que l'empire des Ming se rééquilibre vers le nord. Pékin redevient capitale impériale en 1421, après plusieurs années de travaux, au détriment de Nankin. L'État impérial chinois retrouve ses forces traditionnelles dans le nord de la Chine, dans la plaine du fleuve Jaune. Basculement également en ce sens que le XVe siècle chinois est un temps d'hésitation entre la tentation d'une extraversion, d'une exploration du monde, et ce sont les fameuses, longtemps oubliées, mais aujourd'hui plus fameuses, explorations de l'amiral Zheng He jusque sur les côtes orientales de l'Afrique. Et puis, hésitation en ce sens que, dès les années 1430, les empereurs Ming réaffirment le dogme de la fermeture des mers, d'un refus de ce risque de se perdre dans les aventures extérieures. Alors, paradoxalement, cette fermeture des mers, ce refus de la Chine de poursuivre l'aventure maritime, va favoriser les périphéries du monde chinois, Japon, Corée et Okinawa, qui vont être les principaux acteurs de l'internationalisation de la mer de Chine, de l'essor commercial de la mer de Chine dans la seconde moitié du XVe siècle. Concernant le Japon, je crois, Patrick Boucheron, que vous avez aussi choisi pour nos auditeurs un court texte. En 1458, Shō Taikyō, roi des Ryūkyū, fait fondre une cloche sur laquelle est gravée une inscription qui symbolise la nouvelle puissance de la dynastie et de l'archipel. Le pays des Ryūkyū est un lieu magnifique dans les mers du Sud. On y trouve des gens talentueux venus de Corée, on y est très proche de la Chine et tout aussi proche du Japon, à mi-chemin entre les deux. C'est donc un pays qui surgit des eaux telle une montagne fabuleuse. En manœuvrant nos navires, nous faisons d'Okinawa un pont entre les pays. Produits rares et précieux viennent s'entasser ici comme sur une terre bénie. Dans le détail, j'indiquerai que la fin de cette première partie sur les territoires du monde s'achève sur l'Amérique à la veille de la découverte de Christophe Colomb. Et je crois qu'il est tout à fait remarquable et tout à fait caractéristique de votre démarche que vous parliez de l'effondrement de l'Amérique autochtone, des empires aztèques, mayas, avant que la découverte de Christophe Colomb et que les conquêtes espagnoles ne viennent complètement changer la donne dans ces régions. La seconde partie paraîtra peut-être plus traditionnelle à vos lecteurs. En effet, c'est ce que vous appelez les temps du monde, une chronique du XVe siècle. Déjà, le terme de chronique est un terme plus traditionnel. Et puis, c'est une série de dates. Alors, nous n'avons pas le temps de toutes les lire. Et là, quand vos lecteurs verront ces dates et chercheront, aidés par vous, leur explication et leur retentissement depuis le grand schisme d'Occident de 1378 jusqu'au couronnement de Charles Quint en 1520, eh bien, ils s'apercevront que c'est une chronologie tout à fait nouvelle, désoccidentalisée. Et comme je crois que si nous devons faire la critique des dates, nous devons absolument respecter la chronologie qui est un moyen de saisir l'évolution de l'histoire dont nous ne pouvons nous passer. Alors arrive une troisième partie qui, je dois avouer, la partie qui m'a d'abord le plus surpris. Les écritures du monde. Et même un sous-titre très étonnant, la librairie du XVe siècle. Vous pouvez dire à nos auditeurs ce que c'est et pourquoi ? Nous avions le choix, au fond, entre plusieurs possibilités pour illustrer un petit peu au cœur du livre, car vous avez raison de dire que les deuxième et troisième parties sont un moment de respiration avec des textes plus courts, plus faciles à lire sans doute, et entre lesquels un système de renvoi permet une circulation libre, en fait. Parce que l'histoire du monde, ce n'est pas seulement l'histoire des mondialisations au sens des ouvertures, des connexions. C'est aussi l'histoire de l'invention des traditions. C'est à ça que servent nos dates. Ces dates sont souvent des dates de cristallisation identitaire, la bataille du Kosovo pour les Serbes, la bataille d'Alhubarrota pour les Portugais, etc. Et d'une certaine manière, nous avons choisi aussi le livre. On aurait pu choisir la poudre comme grande invention du XVe siècle, mais voyez-vous, pour des raisons peut-être qu'on peut aisément deviner, nous préférions en faire une belle librairie. Une belle librairie plutôt qu'un arsenal, une belle librairie au sens où c'est la librairie des nouveautés. Hein. On ne prétend pas que ça soit une bibliothèque idéale. Évidemment, au XVe siècle, on lit des vieux livres. On n'est pas que ce qui est paru au XVe siècle. Mais nous avions envie de jouer, au fond, à rassembler tous les grands textes du XVe, c'est-à-dire évidemment, Le Prince de Machiavel, évidemment, la Bible de Wycliffe, évidemment, le traité de nos japonais, mais aussi, par exemple, plus étonnant, les Mille et une nuits, qui sont d'une certaine manière codifiés ou normalisés au XVe siècle, mais également les codices mexicains. Enfin, bref, les écritures du monde contentent de faire vivre, y compris par l'image d'ailleurs, en faisant voir la diversité des écritures. Est-ce que la part du monde islamique est importante dans cette librairie ? Elle l'est d'autant plus qu'elle apparaît dans sa diversité de langues. Et s'il ne fallait parler que d'une seule œuvre, on pourrait évoquer celle qui conclut cette librairie du XVe siècle, à savoir le livre de Babur, conquérant de l'Inde et fondateur de la dynastie moghole, qui est l'un des premiers ouvrages écrits en turc charatay, en turc oriental, qui accède par cette œuvre à une dignité littéraire qu'il ignorait jusque-là. Oui, en lisant davantage, en réfléchissant davantage, j'ai compris à la fois la nouveauté et l'intérêt de cette librairie, parce que la littérature, les grands livres, c'est évidemment capital pour les civilisations, mais en même temps, c'est aussi une mondialisation linguistique. Oui, parce qu'on découvre des mondes aussi. On découvre des mondes. Par exemple, la Corée avec l'alphabet hangoul, on se rend compte qu'il y a une renaissance coréenne avec des souverains qui veulent... Et d'ailleurs, on y retrouve le double mouvement que vous retrouvez dans toute cette histoire, et au fond, dans toute l'histoire, encore aujourd'hui, car il y a d'une part un mouvement d'émiettement, et d'autre part, un mouvement d'unification. Vous avez ainsi fait véritablement vivre le monde au XVe siècle d'une façon, d'une qualité tout à fait exceptionnelle. La quatrième partie n'est pas moins passionnante, car elle s'intitule « Les devenirs du monde, les ateliers du XVe siècle ». Alors là, j'ai été d'autant plus heureux de lire cette partie que j'avais été déçu dans un passé plus ou moins récent par les tentatives qu'on a voulu appeler la futurologie et qui, en général, n'a eu que des résultats assez lamentables. Et les historiens se plaisent à dire qu'ils ne connaissent pas l'avenir, qu'ils ne sont pas des prophètes. Mais il reste que l'histoire continue, l'histoire se prépare. Et vous avez, pour montrer cette préparation du renouvellement de l'histoire, trouvé ce mot que j'aime beaucoup, les ateliers du XVe siècle. Alors, je crois que c'est au sein de cette recherche, de cette orientation, que vous avez encore un texte à proposer, Julien Loiseau, un texte qui concerne l'Inde. Oui, une description du port de Calicut qui illustre bien ce que Sanjay Subramaniam explique de la connexion, hein, de la mise en connexion de l'océan Indien. Calicut est un port parfaitement sûr qui, comme celui de Hormuz, réunit des marchands de toutes les contrées et où l'on trouve en abondance des produits rares venus de Daryabar, du pays sous le vent, d'Abyssinie et de Zanj. Parfois y arrivent des bateaux venant de la Maison de Dieu et d'autres villes du Hedjaz qui y font escale pour un temps. C'est une ville habitée par les infidèles et qui relève donc du territoire de la guerre. On y trouve cependant un grand nombre de musulmans qui ont là leur résidence et ont construit deux mosquées et où ils se réunissent pour la prière du vendredi. Il règne dans cette ville tant de sécurité et de justice que les marchands les plus riches y apportent des cargaisons considérables qu'ils débarquent et jettent négligemment sur les marchés sans songer à en vérifier le compte. Les préposés de la douane se chargent de garder jour et nuit ces marchandises. Si elles se vendent, ils prélèvent alors sur elles un droit d'un quarantième. De Calicut partent continuellement des vaisseaux qui font voile pour la Mecque et sont le plus souvent chargés de poivre. Les habitants de Calicut sont de hardis navigateurs. On les désigne par le nom de « fils du Chinois ». Et les pirates n'osent pas en attaquer les bâtiments. On trouve dans ce port tous les objets que l'on peut désirer. Il est seulement défendu de tuer une vache ou d'en manger la chair. Thank you. Qu'est-ce que vous voudriez plus spécialement indiquer à nos auditeurs dans cette partie des devenirs du monde et des ateliers du XVe siècle? On pourrait peut-être dire que, effectivement, comme vous l'avez si bien formulé, la plus grande chance de l'historien, c'est aussi sa grande malchance, c'est qu'il connaît la fin de l'histoire, c'est qu'il connaît la suite. Et donc, dès lors, on a si naturellement tendance à vouloir rendre les choses nécessaires. Nous avons voulu le plus longtemps possible faire comme si nous ne connaissions pas la suite de l'histoire, c'est-à-dire l'occidentalisation du monde. Alors nous avons voulu montrer quelles étaient les mondialisations possibles, la seconde islamisation du monde, une sinisation du monde, mais aussi effectivement d'autres possibilités. Et puis à la fin, on tente quand même de définir ce que seront les vecteurs de l'occidentalisation. Alors, il y a effectivement la question de la représentation diplomatique, comme le décrit Stéphane Pequignot, qui nous montre la constitution de ce qu'on appelle le monde international avec les diplomates, ou artistique avec Jean-Claude Schmitt. Mais peut-être l'idée, c'est que finalement, l'Europe, à ce moment-là, n'a aucune avance technologique, pas guère d'avance économique, mais à une structure de représentation du monde qui la distingue d'autres parties. Et c'est pour ça qu'on pouvait faire, mais peut-être que Julien peut mieux en parler que moi, une histoire en archipel, par exemple des villes, des grandes villes du monde. Julien Loiseau. Oui, c'est l'idée que où qu'on aille dans le monde, les voyageurs du XVe siècle retrouvent un paysage familier, une ville, un espace où ils peuvent retrouver des repères. Ce que nous avons tenté dans ce texte que nous avons écrit avec Patrick Boucheron, c'est justement d'essayer de montrer quel mouvement emportait les villes au XVe siècle dans l'ensemble du monde. À la fois en ce que les villes sont des tentatives de mettre en ordre le monde à travers un urbanisme ambitieux et plus ambitieux et beaucoup plus spectaculaire en Amérique centrale ou en Chine que sans doute partout ailleurs sur la planète. Mais en ce qu'est aussi, les villes se laissent habiter, se laissent prendre par le nouveau rythme du monde, par cette complexité croissante des échanges et des circulations. Je trouve en effet très remarquable que vous montriez comment le mouvement vers le futur, vers l'avenir des sociétés, des pays du monde, va au fond, tantôt dans le sens d'une continuité qui laissera des héritages, et parfois n'aboutit pas. Et qu'il y aura des pertes. Ce qui donne, me semble-t-il, à l'avenir, au futur, un caractère dramatique, au meilleur sens du mot, une sorte de lutte entre la perpétuation et l'oubli. Je m'attendais un peu, je dois vous l'avouer, mais vous avez su le faire avec toutes les qualités de cet ouvrage, que vers la fin du livre, vous reveniez au sol, vous reveniez à la géographie. Mais à la géographie, vue précisément à travers le travail des hommes, le travail de spécialistes, pour tout dire, à la cartographie. Alors là que... Nous avons choisi, en effet, de donner, pas le dernier mot, l'avant-dernier mot, on parlera peut-être tout à l'heure du dernier mot, à la cartographie comme saisie du monde, pour laquelle, effectivement, on a parlé de Piri Reis, mais Piri Reis, d'une certaine manière, capitalise aussi un savoir espagnol, italien, européen, pour lesquels les Européens vont imposer une vision du monde, un point de vue qui demeure en fait très largement encore le nôtre aujourd'hui. Et c'est le premier point de fuite du livre, c'est effectivement un historien de la cartographie, Gilles Balski, qui montre que depuis l'extrême fin du XVe siècle jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Google Earth, nous avons bien du mal en fait à nous déprendre de ce point de vue occidentale que les explorateurs puis les conquérants ont posé sur le monde à l'extrême fin de la période incertaine, vous avez eu raison de le dire, que couvre le livre. Et dès lors, c'est vraiment une histoire de très longue durée que l'on peine à contrarier, que trace la mise en série de ces cartes du monde vues d'Europe par lesquelles le livre se clôt presque, mais pas tout à fait, justement. Julien Lazou. Oui, c'est d'autant plus saisissant qu'effectivement, le monde ne change pas fondamentalement d'apparence entre le monde que l'on dessine au début du XVIe siècle et celui que nous nous représentons encore aujourd'hui. Alors, je voudrais maintenant, bien que l'auteur de cette partie du livre, de l'épilogue, n'ait pu venir participer à cette émission, que vous disiez à nos auditeurs la conclusion un peu inattendue et un peu troublante, je dois dire, qui clôt cet ouvrage, donc qui est l'œuvre plus particulièrement de Jean-Frédéric Chaube, et qui s'intitule « Nous, les barbares, expansion européenne et découverte de la fragilité intérieure ». Loin de terminer sur, je dirais, un cocorico, vous terminez au contraire sur la fragilité de l'homme et des sociétés humaines, et vous donnez encore à cet ouvrage, en même temps qu'une valeur scientifique tout à fait solide et remarquable, une valeur, je dirais, dramatique, et qui, je crois, touchera beaucoup les beaux lecteurs. Oui, c'est parce que nous pensons, au fond, que si l'histoire sert à quelque chose, c'est moins à conforter des certitudes qu'à installer une inquiétude, au fond. Et cette inquiétude, elle est aussi politique et civique. On ne peut pas faire semblant de croire que cette question du rapport du monde à la domination occidentale est aujourd'hui une question seulement scientifique. Elle passionne, elle enflamme, il y a des mémoires qui sont affrontées, etc. Alors, dire « c'est le monde de Tamerlan à Magellan, de celui qui voulait le détruire à celui qui l'a découvert », c'était vraiment orienter les choses d'une manière très flatteuse. Et d'une certaine manière, c'est vrai que l'épilogue, nous n'avons pas voulu que ce soit une conclusion, mais l'épilogue de Chaube fait un contrepas, un contre-pied un petit peu déstabilisant, c'est de dire ne terminons pas avec Magellan, terminons avec Montaigne. Terminons avec Montaigne qui dit « mais nous sommes les barbares, nous sommes en train de détruire des civilisations magnifiques et dès lors, la grande découverte des grandes découvertes, c'est la fragilité intérieure de l'homme occidental qui, d'une certaine manière, en fera, et c'est là le paradoxe terrible, le principal instrument de la conquête et de la domination, c'est-à-dire cet esprit critique, presque malheureux, qu'il se découvre en lui-même au moment où il découvre le monde. Patrick Boucheron vient, je crois, de nous dire son dernier mot. Quel serait le vôtre, Julien Loiseau ? Ce sentiment de fragilité, on peut l'étendre plus largement à cette histoire du monde. Je crois que c'est peut-être ça une des leçons du livre, une incertitude. Une incertitude des temps, une incertitude qui menace et pousse au renouvellement, aux reconstructions audacieuses. Et pour terminer, nous allons vous proposer, chers auditeurs, un texte qui vous paraîtra probablement d'une certaine façon vous ramener à ce que vous saviez avant le livre. Mais je pense que après avoir écouté cette émission, et je l'espère et le souhaite, avoir lu, parcouru, laissé, repris ce livre si riche, vous verrez que on doit donner un sens nouveau à ce texte presque historique lui-même, ce texte qui donne son nom à l'Amérique de Christophe Colomb, un texte d'Amerigo Vespucci du début du XVIe siècle. Ces jours derniers, je t'ai écrit très longuement sur mon retour de ces nouveaux pays que nous avons recherchés grâce à la flotte, au financement et au mandat du sérénissime roi du Portugal et que nous avons découvert. Il est légitime de les appeler « Nouveau Monde », car dans les temps passés, on n'a eu connaissance d'aucun d'entre eux, et pour tous ceux qui en entendront parler, ce sera une chose tout à fait nouvelle, car cela dépasse les estimations de nos ancêtres, étant donné que la plupart d'entre eux disent qu'au-delà de la ligne équinoxiale et vers le midi, il n'y a pas de continent, mais seulement une mer qu'ils appelèrent Atlantique. Et s'il en est trouvé pour affirmer qu'il y avait là un continent, ils ont nié avec force argument que cette terre fût habitable. Mais cette opinion est fausse et totalement contraire à la vérité comme je l'ai prouvé avec toute cette dernière navigation, puisque dans ces régions méridionales, j'ai découvert un continent habité par un plus grand nombre de peuples et d'animaux qu'en notre Europe ou qu'en Asie ou bien en Afrique et où, en outre, l'air est plus tempéré et plus doux qu'en aucune région connue. C'est ce que tu apprendras plus loin où, brièvement, je me suis contenté d'exposer les choses principales les plus dignes d'être notées et retenues, choses que dans ce nouveau monde j'ai vues ou entendues et qui seront ci-après rapportées. C'était les lundis de l'histoire par Jacques Le Goff. Cette émission était consacrée à l'extraordinaire ouvrage « Histoire du monde au XVe siècle » paru chez Fayard, avec le directeur de l'ouvrage, Patrick Boucheron, et un des coordinateurs, Julien Loiseau. Les textes ont été lus, comme d'habitude, par la belle voix de Jean-Pierre Leroux. La régie du son a été assurée par Raymond Albouy et la réalisation, comme d'habitude, a été l'œuvre excellente de Franck Lilas.